vous êtes à l'écoute de... On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devrait-il le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Bonsoir, ceci est l'émission Transgenre, l'émission anarchiste qui passe sur les ondes de Radio Air Libre tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h et qui est rediffusée les vendredis soirs à 21h. Le studio de Radio Air Libre se trouve chaussée d'Alsenberg, 365 à 1190 à Forêt. Radio Air Libre est à écouter à Bruxelles sur le 87.7 FM ou sur le nouveau site radioairlibre.net dans le monde entier. Nous ne sommes pas en studio ce soir, mais nous avons prévu un reportage qui parlera de la criminalisation du sauvetage en mer. Ceci dû à l'actualité récente. Le lundi 28 septembre 2020, une communiqué de presse a été diffusée que l'État grec a arrêté des dizaines de membres d'organisations non gouvernementales, ONG, accusées de trafic de migrants vers l'Europe et d'ingérence dans les contrôles aux frontières. Dans ce reportage, on va parler de la criminalisation des sauvetages en mer et les vrais crimes, qui sont les refoulements et les violations des droits de l'homme. Beaucoup des infos sur ce qui se passe pendant les traversées via la mer par des réfugiés est publiée en anglais. Pour ceci, je vous lirai plusieurs communiqués de presse que j'ai traduits vers le français des groupes autonomes qui luttent pour des traversées sécurisées et l'accueil des réfugiés en Europe, comme Alarme Faune, Mare Liberum, Sea-Watch, etc. Ceci sera alterné avec la musique et aussi avec un entretien avec Carole Racket, une des capitaines des navires de Sea-Watch qui a été arrêtée l'année passée, mais qui a gagné son procès, et qui est venue en parler ici à Bruxelles à une conférence organisée par Agir pour la paix. Et je veux aussi vous laisser écouter des vidéos des manifs et d'autres vidéos publiées par Alarme Faune. Et pour une prochaine émission, nous essayons d'avoir des invités qui peuvent nous en parler plus vivement. Dans ce reportage, je vais nommer pas mal d'articles des associations qui publient des articles en ligne. Et vous pouvez retrouver tous ces liens sur le blog de transgenre.noblogs.org. Et aussi, vous pouvez retrouver des références vers les morceaux musique. Bonne écoute. Comme introduction, je vais vous lire un article qui a été publié sur le site de Mare Liberum, Espace Contesté, Patrouille frontalière en mer Égée. En 2015 et 2016, la mer Égée est devenue l'un des points chauds de l'un des plus grands mouvements de masse depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de familles ont quitté des pays déchirés par la guerre tels que la Syrie, d'Irak et l'Afghanistan pour traverser la Turquie, la mer Égée, la Grèce et les États balkaniques à la recherche d'un espace plus sûr en Europe. Alors que de nombreuses personnes en Europe ont fait preuve de solidarité envers les réfugiés qui arrivaient, l'Union européenne a cherché de nouveaux moyens de restreindre la liberté de circulation. Depuis l'accord l'Union européenne-Turquie de 2016, les personnes arrivant sur les îles sont empêchées de se rendre sur le continent. Cet accord, dont l'incompatibilité avec les droits de l'homme a été largement débattu ailleurs, impliquait essentiellement des paiements élevés à la Turquie en contrepartie de l'accueil de réfugiés. L'accord prévoit également l'examen des demandes d'asile limitées aux îles grecques et l'expulsion vers la Turquie des personnes, y compris celles dont la demande d'asile en Grèce a été rejetée et qui peuvent désormais être renvoyées en Turquie. L'Union européenne a versé d'importantes sommes d'argent à la Turquie et, avec le soutien de l'Organisation internationale pour la migration, le OIM, a remis plusieurs navires de haute technologie aux gardes-côtes turcs afin de renforcer les opérations de recherche et de sauvetage et les patrouilles frontalières. Selon les statistiques officielles des gardes-côtes turcs, plus de 47 179 migrants ont été interceptés et renvoyés en Turquie en 2019. Au cours de la même période, environ 59 726 migrants ont traversé la mer Égée vers l'Europe. Bien que l'Union européenne vante les mérites de cette opération, qui a permis de sauver de nombreuses vies, la frontière demeure mortelle. Rien qu'en 2018, 174 personnes ont perdu la vie. En 2019, 70 personnes et depuis le début de l'année, 71 personnes sont déjà mortes. Dernière mise à jour, le 26 août 2020. Les droits de l'homme des réfugiés ont été violés depuis le début des traversées maritimes. Les refoulements, les retraits, où des personnes sont poussées ou tirées dans les eaux turques et se voient ainsi refuser les droits d'asile en Grèce, sont régulièrement effectués par les gardes-côtes grecs ou turcs, ainsi par Frontex. Entre autres, les agressions violentes et les manœuvres d'interception font partie des procédures standards de ces acteurs. Depuis mars 2016, toutes les demandes d'asile sont traitées dans les îles grecques, ce qui les a transformées en prisons ouvertes. Des procédures longues et erronées, ainsi que de nombreuses décisions négatives, donnent lieu à des recours devant le tribunal, ce qui entraîne de longs délais d'attente dans un vide juridique et des centres d'accueil surpeuplés aux conditions de vie inhumaines. Le centre juridique de Lesvos, ou ARECACT, fournit de plus amples informations sur la situation dans les îles grecques, en particulier à Lesbos. Frontex, l'agence européenne de gestion des frontières des gardes-côtes, est présentée dans la mer Égée avec diverses équipes et navires de différents États membres européens. L'objectif déclaré de l'agence et ses missions sont de sécuriser les frontières européennes et de stopper les mouvements migratoires vers l'Europe. Frontex participe également à des opérations de sauvetage. En outre, en février 2016, l'OTAN a lancé une mission militaire pour soutenir et coopérer avec Frontex et les gardes-côtes grecs et turcs afin de couper les lignes de la traite des êtres humains et de l'immigration illégale. C'est un article publié par l'OTAN. Malgré ce climat militarisé, il y a encore de nombreux volontaires et militants qui travaillent en solidarité avec les réfugiés. Refugees for Refugees, Lighthouse Relief et Refugee Rescue, par exemple, participent encore quotidiennement à des opérations de réparage et de sauvetage de bateaux. Cette interaction complexe des différents acteurs dans ce qui est devenu une zone frontalière de plus en plus militarisée montre la nécessité d'un regard civil sur le développement et les changements. La Mare Liberum, avec sa mission de surveillance dans la mer Égée, servira exactement à cette fin, en opérant comme un contre-correcteur civil à la politique frontalière européenne actuelle. Après que la Turquie a instrumentalisé les migrants au début de 2020 pour exercer une pression politique sur l'Union européenne en autorisant le passage des migrants pendant une courte période, et après que les positions de droite et racistes ont reçu un soutien plus fort sur les îles de la mer Égée, la situation est encore plus tendue qu'auparavant. La Grèce a continué à développer de nouvelles stratégies de défense des frontières. Presque plus aucun bateau ne parvient à traverser la mer Égée.

La chanson que vous venez d'entendre s'appelle SLDRT point acclamation, donc c'est solidarité. Cette une chanson est une déclaration de solidarité de la classe ouvrière au-delà des frontières. Nous ne croyons pas à la charité des patrons, des gouvernements et nous nous opposons à l'utilisation de la crise par les fascistes. Ceci est chanté par LMF. LMF est l'acronyme de Le Monde est en flamme. Il s'agit d'un projet hip-hop avec des paroles en allemand, en français et en anglais. Le groupe est composé de Ben Dana de Brême, Sinouk Muerto d'Athènes et Ref Polk de Berlin. L'objectif est de réunir l'activisme, le do-it-yourself, DIY et les hip-hop. Tous les bénéfices de cette chanson iront à Vague d'Espoir, un groupe de réfugiés et de demandeurs d'asile du camp de Moria à Lesbos, qui s'efforce de répondre aux besoins fondamentaux des habitants du camp en temps de crise de la corona. N'hésitez pas à télécharger la chanson sur Bandcamp et à faire un don. Bon, je vais commencer par vous lire l'article de presse que vous pouvez trouver en anglais sur InfoWars Europe. Donc la Grèce démantèle un réseau de trafic de migrants et arrête des dizaines d'agents d'ONG. La Grèce a arrêté des dizaines de membres d'organisations non gouvernementales, ONG, accusés de trafic de migrants vers l'Europe et d'ingérence dans les contrôles aux frontières selon des rapports. Au total, 35 ressortissants étrangers, dont 33 personnes travaillant pour des ONG, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête approfondie menée par les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme grec. Les suspects sont accusés de diverses infractions pénales, notamment d'espionnage, de constitution et d'adhésion à une organisation criminelle, de violation des secrets d'État et de violation du code de l'immigration, a déclaré l'agence de police grecque Hellas dans un communiqué. 4 ONG basées pour la plupart en dehors de la Grèce ont été nommées par les autorités. Watch the Met, Mareli Berum, Sea-Watch, FFMEV. Les citoyens d'Allemagne, de France, de Suisse, de Norvège, d'Autriche et de Bulgarie constituent le groupe de 33 suspects, ainsi que 2 immigrés clandestins d'Iran et d'Afghanistan. Le réseau aurait coordonné ses activités avec des trafiquants d'êtres humains en Turquie pour faciliter le passage des migrants clandestins en Grèce, principalement via l'île de Lesbos. Ils sont également accusés d'avoir accédé et partagé des informations confidentielles concernant les mouvements des gardes-côtes grecs. Watch the Met Alarm Phone, assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée. C'est pas un sauvetage, mais une alarme. En 5 ans, le projet Alarm Phone a accompagné et soutenu près de 3000 bateaux. Continueront avec leur ligne d'assistance téléphonique jusqu'à ce que les morts en mer prennent fin. Avec leur travail, ils envisagent à créer des corridors de solidarité concrète. Ils se battront pour le droit à la liberté de mouvement et pour l'égalité des droits de tous les habitants de cette planète. Selon un communiqué de presse d'Alarm Phone, qui date de 2 octobre 2020, les vrais crimes sont les refoulements et les violations des droits de l'homme par le gouvernement grec. Lundi 28 septembre 2020, la police grecque a publié un communiqué de presse concernant l'enquête criminelle menée sur 33 personnes de 4 ONG différentes et 2 ressortissants de pays tiers. En conséquence, une affaire pénale a été ouverte pour les délits de constitution et d'adhésion à une organisation criminelle, d'espionnage, de violation et de secret d'État, ainsi que de facilitation d'entrée. Bien que le communiqué de presse ne nomme pas les ONG ou les personnes, plusieurs médias ont déclaré que le téléphone d'alarme, Alarm Phone, faisait partie des groupes visés. Pour l'instant, nous nous abstenons de commenter publiquement l'enquête en cours. Nous voulons plutôt mettre en évidence les véritables crimes qui sont en cours. Les secrets d'État qui ont été violés sont des faits avérés. Les refoulements, les formes lourdes de violence, y compris les coups, les vols et les tirs, la non-assistance, le fait de forcer les réfugiés à monter dans des radeaux de sauvetage et de les laisser dériver au milieu de la mer. Ces crimes sont perpétrés par des organismes appartenant manifestement à l'État grec. Nous ne sommes pas les seuls témoins de cette évolution alarmante. Plusieurs acteurs ont publiquement fait état de ces actions illégales menées par les gardes-côtes grecs en mer et les gardes-frontières sur terre. C'est la HCR, le Conseil grec des réfugiés, Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, des ONG et des médias. Les violations des droits de l'homme ont atteint un nouveau niveau dans la mer Égée depuis le début du mois de mars. Ces escalades de violations sont accompagnées d'actes de répression contre les ONG et toutes sortes de structures de solidarité pour les réfugiés et les migrants. Il est évident que l'État grec veut éliminer les témoins des crimes contre l'humanité qu'ils commettent quotidiennement. Il est évident qu'il est gêné par notre activité si l'on considère que rien que cette année, le téléphone d'alarme a été témoin et a documenté des refoulements et de graves violations des droits de l'homme dans de nombreux cas. Il en va de même pour la situation en Moria, qui est également mentionnée comme l'un des secrets d'État dans le communiqué de presse de la police grecque. Ce n'est pas un secret, mais un fait public qu'avec les fonds et le soutien européen, la Moria est devenue le symbole de la politique migratoire de l'Union européenne, dont le but est de dissuader en foulant aux pieds de la dignité et les droits de l'homme. Il faut noter que depuis la création d'Alarme Faune, il y a 6 ans, nos relations avec les gardes-côtes grecs n'ont jamais été aussi compliquées qu'aujourd'hui. Depuis octobre 2014, nous avons transmis environ 1975 cas de personnes en détresse aux gardes-côtes grecs et à d'autres autorités grecques. À plusieurs reprises, nous avons constaté que les gardes-côtes faisaient de leur mieux pour porter secours le plus rapidement possible. Nous avions établi une communication rapide et efficace qui a conduit à des opérations de sauvetage, ce qui était crucial à une époque où nous recevions jusqu'à 23 appels par jour de bateaux en détresse dans la mer Égée, et qu'il est encore aujourd'hui. Au tout début de notre projet, nous nous étions ouvertement adressés à toutes les gardes-côtes, leur expliquant le rôle et l'objectif du téléphone d'alarme. Dans cette lettre d'octobre 2014, nous avons déclaré: nous espérons que grâce à notre travail, nous pourrons vous soutenir dans votre tâche quotidienne qui consiste à sauver la vie des migrants. Dans le même temps, nous dénoncerons vigoureusement tout échec de cette mission. Nous espérons que vos institutions accepteront à la fois notre contribution à la et la responsabilité que nous exigeons, qui est demandée à toutes les institutions publiques. Ce que nous avons fait et continuerons à faire avec détermination. L'augmentation des violations des droits de l'homme et des refoulements n'est pas un phénomène qui se produit localement, de la Grèce vers la Turquie uniquement. Dans le téléphone alarme, nous constatons également une tendance à des rétrocessions illégales de Malte et de l'Italie vers la Libye et la Tunisie en Méditerranée centrale, ainsi que de l'Espagne vers le Maroc et en Méditerranée occidentale. Nous appelons à ceux qui sont solidaires des personnes en déplacement à sensibiliser et à protester contre les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés quotidiennement en mer Égée. Chaque réfugié qui est repoussé, chaque personne qui est laissée dans un bateau en mauvais état, chaque enfant qui n'est pas secouru dans la détresse est une raison suffisante pour se lever et élever la voix. Nous ne serons pas réduits au silence. Veuillez noter que pour l'instant, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur les enquêtes criminelles. Arrestation de l'équipage de la navire Mare Liberum, 5 septembre 2020. Aujourd'hui, environ 25 gardes-côtes grecs et policiers ont fouillé le navire Mare Liberum et emmené 4 membres d'équipage au poste de police pendant 8 heures. Tous les appareils électroniques ont été confisqués. En fait, l'ONG elle-même a contacté l'ambassade allemande en Grèce afin de libérer les personnes arrêtées, ce qui a finalement été fait après 8 heures de détention. C'est quoi l'association Mare Liberum? C'est une association à but non lucratif basée à Berlin, fondée en 2018 par un collectif transnational de militants. Avec le navire Mare Liberum, nous surveillons les droits de l'homme dans la mer Égée, principalement au large des côtes de Lesbos. Notre navire est exploité par un équipage de 5 personnes. En tant qu'observateur indépendant, Mare Liberum mène des recherches pour documenter la situation actuelle à la frontière européenne et pour attirer à nouveau l'attention du public sur le site de tragédies oubliées. Nos conclusions et observations seront communiquées au public européen et au groupe de pression des réfugiés. Tout ceci nous fait penser à ce qui était passé déjà le juin 2019 avec le navire de Sea-Watch et la capitaine allemande Carole Rackete. En juin 2019, la capitaine du bateau de sauvetage Sea-Watch 3 et activiste pour le climat Carole Rackete a été arrêtée après avoir porté secours à 42 migrants en mer au large des côtes libyennes. L'équipage du navire Sea-Watch 3 cherchait un port sûr ou accosté, mais les autorités italiennes lui refusaient l'entrée. Alors que les conditions à bord du bateau s'aggravaient, la capitaine allemande avait alors décidé d'entrer de force dans les eaux italiennes avant d'accoster à Lampedusa. Par la suite, était arrêtée et avait fait l'objet d'une enquête pour aide à l'immigration illégale. 4 jours plus tard, elle avait été libérée, la justice estimant qu'elle avait agi en vue de sauver des vies humaines. 17 janvier 2020, la Cour suprême déclare que l'arrestation de Carole Rackete était illégale et que l'arrestation de la secouriste n'aurait jamais dû avoir eu lieu. Carole Rackete dit à ça que c'est un verdict important pour toutes les activistes qui sauvent les vies en mer. Personne ne devrait être poursuivi pour porter secours à des personnes dans le besoin. La directive sur les délits de solidarité doit être urgemment réformée. L'urgence de réformer une directive qui criminalise la solidarité. C'est à la directive de l'Union européenne définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier, directive 2002-90-CE du Conseil, que se réfère Carole Rackete. La directive en question prévoit que toute personne facilitant l'entrée, le transit ou le séjour irrégulier le fait en violation de la loi. Le problème est ici que la directive ne fait pas de différence entre l'assistance humanitaire et le trafic d'êtres humains, ni ne rejette l'imposition de sanctions à celles et ceux qui agissent sans poursuivre des buts lucratifs. Liberties a demandé à la Commission européenne de réformer la directive afin qu'elle soit conforme au protocole de l'ONU contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, qui prévoit clairement que l'aide à l'entrée ne constitue un délit que lorsqu'elle est réalisée en échange d'un avantage financier ou d'un avantage matériel. En d'autres termes, l'ONU précise que pour qualifier un passage de trafic de personnes, il faut que cela soit fait dans le but d'en tirer un avantage. À l'inverse de ce protocole, la directive de l'Union européenne sur l'aide à l'entrée est vague et peut être interprétée très librement. Carole Rackete est venue en parler ici à Bruxelles à une conférence organisée par Agir pour la paix. Well, good evening everybody. Bonsoir. Bonsoir. Thanks very much for inviting us here, and thanks to all of you for taking your time and joining us. It's great to see such a full room. And personally, I'm still not used to all this attention which I'm suddenly getting, because a few months ago I was just an ecologist, just somebody who occasionally helps in volunteer projects, just as probably a lot of you, probably nearly everyone in this room, and suddenly I got a lot of attention on me. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous avoir invités ici et de prendre votre temps pour nous rejoindre. C'est agréable de voir une salle aussi pleine. Personnellement, je ne suis pas encore habituée à toute l'attention que je reçois, car il y a quelques mois, j'étais juste une écologiste. Juste quelqu'un qui est occasionnellement dans des projets de bénévolat, comme probablement beaucoup d'entre vous, presque comme tout le monde dans cette salle. Et soudain, j'ai eu beaucoup d'attention sur moi. When the people who need it are actually the refugees, you know, the people who we rescue, in my opinion, they got the interesting stories. You know, they are the people who deserve all the attention. They deserve their stories to be told. So it's very complicated for me to deal with this issue of receiving all this media attention and whether to use it to try to change the narrative a little bit, or whether I should just plainly go into hiding and try to avoid the attention. Mais les personnes qui en ont besoin cette attention sont en fait les réfugiés. C'est les personnes que nous sauvons, à mon avis. C'est eux et elles qui ont des histoires intéressantes. Ce sont ces personnes qui méritent toute l'attention. Elles méritent que leurs histoires soient racontées. C'est donc très compliqué pour moi de gérer toute cette attention médiatique. Je me demande si je dois essayer à changer un peu le récit ou si je dois essayer d'éviter l'attention. So, I think the question was, did we realize what was going on? That you were forcing your political agenda. Yeah, I don't think we realized the full extent of what was going on. I think that is an interesting fact for all of life, really, because sometimes it seems that we're working on something, we're working and working and giving all our heart and all our time, and nothing really is changing despite all our great efforts. And I think very suddenly something can change, and we often don't know when that point is. And it's like a tipping point, the same thing we talk about when we talk about tipping points in the climate system, and we are all, as an ecologist, are very scared of them. Je pense que la question était de savoir si nous avions réalisé c'est ce qui passait. Oui, la question était de savoir si vous avez forcé une attention politique. Je ne pense pas que nous avons réalisé toute l'ampleur de ce qui se passait. Je pense que c'est en fait intéressant dans toute la vie parce que parfois nous travaillons sur quelque chose et nous travaillons tout le temps et rien ne change, malgré tous les efforts déployés. Et je pense que très soudainement, quelque chose peut changer. Et nous ne savons souvent pas quand ce point est atteint. C'est comme un point de basculement, le moins point de basculement dont nous parlons dans le système climatique. Et nous sommes plusieurs écologistes à en avoir peur. But we also have social tipping points. You know, we do have, I think, at least the possibility that things might change. And I think for that reason, it's very important that we carry on with whatever work we are doing, because we don't really know when we might reach a tipping point. And that is maybe what I learned from the story from June, that I think within the organization Sea-Watch and within the whole rescue vessel community, things were getting more and more difficult, at least since 2017, when the first boat, the Juventa, was impounded and it's arrested for already more than 2 years. There's 10 people under investigation as well. They're facing very, very long sentences potentially. Mais nous avons aussi des points de basculement sociaux et nous devons au moins penser à la possibilité que les choses puissent changer. Pour cela, il est très important de continuer à faire ce que nous faisons parce que nous ne savons pas vraiment que nous pourrions atteindre un point de basculement. Et c'est ça que j'aurais pu apprendre d'histoire de juin 2019 dans l'organisation de Sea-Watch et les autres comités nationaux sauvetage. Je pense que c'est devenu de plus en plus difficile, au moins depuis 2017, date à laquelle le premier bateau de sauvetage, l'Juventa, a été mis en fourrière et arrêté depuis déjà plus de 2 ans maintenant. 10 personnes font l'objet d'une enquête et risquent de très longues peines. So that showed us that criminalization was growing stronger, was getting more, laws became more difficult. The security decree for us not to enter the Italian territorial waters was passed while we were at sea with the refugees already on board. Apparently it was the fastest law in Italy ever passed, 36 hours from parliament to being signed by the prime minister to being published. So you see how much intention there was behind issuing this decree. But then suddenly, very unexpectedly, with my arrest and with all the media attention actually drawn to me by the Interior Ministry, not being pushed by ourselves, but brought by the confrontation from the Interior Ministry, something changed. And I think that's a good point to keep in mind. There are social tipping points, and there is always a possibility for change, even when you don't expect it. Ce qui montre que la criminalisation se renforce. Les lois sont devenues plus difficiles. Le décret de sécurité nous interdisant d'entrer dans les eaux territoriales italiennes a été adopté pendant que nous étions en mer avec les réfugiés déjà à bord. Apparemment, c'est la loi la plus vite qui a été adoptée en Italie. 36 heures sont passées entre du Parlement et la signature du Premier ministre et la publication de la loi. Vous voyez donc à quel point l'intention était de modifier ce décret, mais soudain, de manière très inattendue, avec mon arrestation et toute l'attention médiatique que m'a accordé le ministère de l'Intérieur, et ceci sans que nous avons poussé quelque chose nous-mêmes. Mais c'est grâce à la confrontation avec le ministère de l'Intérieur que quelque chose a changé. Et c'est le bon point à garder à l'esprit. Il y a des points de basculement sociaux et il y a toujours la possibilité d'un changement, même si vous ne l'attendez pas. Direct actions, or was it humanitarian actions, or both? Well, I think I totally agree. Like, all the things need to come together because it's usually never one single thing which changes something. It's a combination of various ways of action which work. So, and it depends really on skills which people have, on abilities, on the risks which they can take personally. And I think we always need not only a few people who take action, but we need a lot of people to take action. We need issues not to be in the hands of the left or the right. We need issues to be taken in the hands of the center of society, and they are the people who need to stand up and say what they silently think all the time. Est-ce que ce sont les actions directes ou les actions humanitaires ou les deux qui ont apporté le changement? Je suis tout à fait d'accord que toutes les choses doivent s'assembler parce que c'est généralement pas une seule chose qui change quelque chose. C'est une combinaison de différentes manières d'agir qui fonctionne. Et cela dépend vraiment des compétences que les gens ont et de leur capacité à prendre des risques personnellement. Et je pense que nous n'avons pas toujours besoin de quelques personnes qui agissent, mais nous avons besoin de beaucoup de personnes qui agissent. Nous n'avons pas besoin d'avoir les issues uniquement dans la main de la gauche ou de la droite. Nous avons besoin que les questions soient prises en charge par le centre de la société. Ce sont eux qui doivent se lever et dire ce qu'ils pensent en silence tout le temps. And we see that, for example, in Germany quite a lot. You know, what is in the media is mainly the right and sometimes the left. But if you see the polls, for example, a lot of people who are in favor of welcoming refugees because they very well understand the reasons. So we need to engage the center of society and bring them to act much more than they do now in whatever different ways of acting. That could be, for example, while we were out at sea, we had a huge issue with everyone kind of saying, all the authorities saying they were not responsible, and everyone passing the hot potato, you know, the EU Commission saying, no, the states are responsible, it's the flag state, was saying, no, it's the Italian Interior Ministry that I was saying, oh, it's the Germans, and then so on. And I think it would be great if civil society could help in such situations to put pressure at all these places. Et nous le voyons beaucoup ces derniers temps en Allemagne, ce qui est dit dans les médias, principalement de droite, et parfois de gauche. Mais si vous voyez les sondages, beaucoup de gens sont favorables à l'accueil des réfugiés parce qu'ils en comprennent très bien les raisons. Nous devons donc engager le centre de la société et les amener à agir, bien plus qu'ils ne font actuellement, quelles que soient les différentes manières d'agir. Cela pourrait être, par exemple, nous étions en mer où il y avait un incident de tir. Tout le monde disait qu'ils étaient désolés et qu'ils n'étaient pas responsables et tout le monde passait la patate chaude. Les commissions européennes disent que c'est les États qui étaient responsables et les États disaient non, c'est les ministères italiens de l'intérieur. Et lui, il disait non, ce sont les Allemands, etc. Et je pense qu'il serait formidable que la société civile, dans ce genre de situation, puisse faire pression dans tous ces endroits. Par exemple, in Lampedusa, on the island, there's a very active community of refugee supporters and they slept outdoors in front of the church for the full 17 days. And I'm just thinking, if that had happened in Brussels, you know, and in front of Mr. Seehofer's office in Germany, you know, and in front of the Dutch flag state office, you know, then we could get some media attention. Par exemple, à Lampedusa, sur l'île, il existe une communauté très active de soutien aux réfugiés. Ils ont dormi à l'extérieur devant l'église pendant 17 jours. Et je me disais, si cela était passé à Bruxelles, ou devant le bureau de Monsieur Seehofer en Allemagne, et devant le bureau de l'État de Pays-Bas, nous aurions pu attirer l'attention des médias. And so a lot of things just need to come together. It's never a single action. It's when everyone gets active. That's when we make the change. And that's also part of the Extinction Rebellion, which I personally also really, really like. It's the masses of people

denied their request in jail, all because they dread their living hell. Ceci était la chanson avec le titre Asylum de l'album Just Across the Borders, créé en 2007 par le groupe Combat Wombat. Après 10 ans, les activistes hip-hop de Melbourne, Orateurs de Vérité et Riot Rockers, Combat Wombat reviennent avec le récent LP Just Across the Border. Pour moi, moi je suis certifié, j'ai un certificat de capacité à la pêche depuis 77. Donc je suis capitaine depuis 17. Combien ? 40 ans ? Récupérer des corps, des vivants, des morts. Comment il y en a des morts, il y en a sauvés. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien à faire. Tu peux rien faire. Ouais. Tu es parti pour pêcher, tu vas pas pêcher des autres. Quand même, tu trouves une dizaine qui flotte sur l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas les moyens. Ouais. Tu ne peux pas les mettre sur le bateau. Il y a un grand risque pour toi, même pour la santé. En plus, tu es dans des frontières à 100 000 marins. Ici, c'est pas faire. VHF, parfois tu téléphones, la personne t'entend. Donc tu seras obligé de laisser. Si on est un peu proche ici, quand même, il y en a des communications avec l'association ici, avec la police et tout, et on le ramène. Lorsqu'on est très loin, vraiment, c'est. Tu peux rien faire. Tu regardes, ça va rien faire. Lorsqu'ils sont vivants, on a ramené souvent des vivants avec dans des zodiacs, et parfois tu ne peux pas même l'emmener, ils ne veulent pas venir. Donc ils donnent de l'eau, du lait, des trucs comme ça et tout. Pour dénoncer cette politique de l'Union européenne, de cette discrimination Frontex. Et pour dénoncer le travail de Frontex qui laisse les gens mourir dans la mer et sans pitié. Et nous dénonçons ainsi l'Union européenne et les pays du Sud qui criminalisent le sauvetage, sauver la vie des gens, maintenant, elle est en question. Et ça, c'est le plus dangereux. On est dans une situation vraiment délicate. Ceci était un petit court-métrage créé par Primitivi.org. C'est une téloche de rue qui, depuis 1998, accompagne, soutient, réalise des films. On projette, on distribue dans une démarche rebelle, solidaire et non commerciale. Primitivi est un média d'info local qui raconte, relais, rassemble, aux côtés de ceux qui se battent pour une Marseille bouillonnante, indomptable et mélangée. Primitivi est un média qui voyage pour emmener notre expérience et en ramener d'autres. Voilà, ici c'était le vidéo Sea Rescue is not a Crime. Il date depuis 2 ans, de 9 avril 2018, à Zarzis, Tunisie. 100 personnes ont manifesté contre la continuation des morts en mer causées par la politique migratoire meurtrière de l'Union européenne et la criminalisation des opérations de sauvetage en mer méditerranée. Pêcheurs, défenseurs des droits de l'homme et membres de la société civile ont encerclé le port Zarzis à l'aide de 5 bateaux pour exprimer leur colère et affirmer la dignité de toutes et tous. Zarzis est une ville témoin de la tragédie migratoire. Elle abrite le cimetière des inconnus où continuent à être enterrées les malheureuses personnes qui se sont noyées et dont les corps ont été rejetés par la mer sur les rives tunisiennes. La communauté des pêcheurs souffre de régulièrement ramener des corps sans vie dans leur filet de pêche. Un autre problème, c'est aussi qu'à côté, les activistes sont arrêtés qui veulent donner de l'aide aux personnes en détresse dans la Méditerranée. C'est aussi que leurs navires avec lesquels ils essayent de faire les sauvetages sont immobilisés par les autorités. Je vais vous lire un article qui est publié le 30 septembre 2020 par infomigrant.net. Depuis début juillet, 4 navires humanitaires sont immobilisés par les autorités italiennes en raison de plusieurs irrégularités et 2 autres subissent une période de quarantaine due à la pandémie de Covid-19. Les militants dénoncent des entraves au sauvetage des migrants en mer Méditerranée. À la date du 30 septembre, plus aucun navire humanitaire ne sillonne la zone de recherche et de sauvetage, zone SAR. L'absence des bateaux d'ONG fait craindre une augmentation du nombre de migrants morts en mer, alors que le mois de septembre a été particulièrement meurtrière, avec près de 200 décès recensés en Méditerranée centrale. L'océan Viking est bloqué au port sicilien de Porto Empedocle depuis le 22 juillet 2020. Le Sea-Watch 3 a été immobilisé le 8 juillet par les autorités italiennes. Le Sea-Watch 4 est immobilisé au port sicilien de Palerme depuis le 19 septembre 2020. Open Arms est amarré au port de Palerme, en Sicile, où il subit une période de quarantaine. Normalement, cette quarantaine doit prendre fin vendredi 2 octobre 2020. L'Alan Kurdi est en quarantaine au port sarde d'Olbia depuis le 26 septembre 2020. La période d'isolement de l'équipage devait prendre fin le 10 octobre. Le Mare Jonio est bloqué au port d'Agusta, en Sicile, depuis le 24 septembre 2020. Alors que le navire humanitaire était prêt à repartir en mission, les autorités italiennes ont refusé que 2 membres d'équipage montent à bord, empêchant le départ du Mare Jonio. Le Louise Michel, le navire humanitaire affrété par l'artiste Banksy, est amarré au port espagnol de Buriana, où il stationne depuis. Très peu d'informations circulent sur une éventuelle prochaine mission. L'équipage n'a pas donné plus de détails à Infomigrant. Insoumis qui veulent accueillir leurs frères, à ceux qui veulent garder ouvertes leurs frontières, à ceux qui tendent la main tout en jetant la pierre. Liberté de circuler, interdit de spéculer, ne plus laisser faire. Capital, victime du libéral, pays colonisé, peuple oppressé, dictature financière, vol des matières premières, dictateur financé, révolution étouffée, oppression politique pour intérêt économique, espoir d'ailleurs meilleur, de vivre sans la peur, en quête de liberté, au pays des richesses volées, poussé à s'en aller, poussé à tout quitter. Ce sont nos égoïsmes qui nous leur enfer, ce sont nos peurs de l'autre qui les emmènent au cimetière. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos barrières. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos frontières. Nos bordeurs insaisissables, nos bordeurs insatiables, nos bordeurs solidaires, nos bordeurs libertaires, nos bordeurs radicales, nos bordeurs antilibérales, nos bordeurs utopistes, nos bordeurs humanistes, nos bordeurs insaisissables, nos bordeurs insatiables, nos bordeurs solidaires, nos bordeurs libertaires, nos bordeurs radicales, nos bordeurs antilibérales, nos bordeurs utopistes, nos bordeurs humanistes, nos bordeurs pas sans raison, animés par la rébellion. Briser leurs filles, nous briserons vos vitrines, nous construirons leur abri avec nos rêves d'autonomie. Nous les accueillerons chez nous comme nous le voudrions chez eux. Nous serons leur éclaircie pour dissiper vos belles promesses. Nous lutterons sans répit pour faire taire votre allégresse. Vos frontières vous arrangent bien, gardez les pauvres dans leur pays. Exploiter à l'étranger en leur faisant rêver d'ici. Voler leurs richesses sans jamais les rétribuer. Vous appelez ça économie, moi j'appelle ça des colonies. Nos bordeurs insaisissables, nos bordeurs insatiables, nos bordeurs solidaires, nos bordeurs libertaires, nos bordeurs radicales, nos bordeurs antilibérales, nos bordeurs utopistes, nos bordeurs humanistes, nos bordeurs insaisissables, nos bordeurs insatiables, nos bordeurs solidaires, nos bordeurs libertaires, nos bordeurs radicales, nos bordeurs antilibérales, nos bordeurs utopistes, nos bordeurs humanistes. La terre est ronde et ne connaît aucune limite, bien qu'il y ait des cultures, des usages, des traditions qui diffèrent. Nous sommes tous fils et filles de terre-mère. Les lois naturelles ne nous empêchent pas de migrer, de voyager, de circuler, mais elles condamnent l'exploitation immorale, bien que légale, que vous faites de l'être humain.

Nous savons que de nombreuses personnes luttent contre la forteresse Europe pour mettre fin à sa violence, mais cela ne suffit pas. Nous sommes fatigués de dire aux survivants des naufrages et aux victimes de la torture en Libye qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour eux. Nous sommes fatigués de voir des gens perdre la vie en mer et de voir que personne ne s'en soucie. Nous sommes fatigués de passer des heures au téléphone avec des personnes en détresse sans pouvoir les rassurer sur l'arrivée des secours et des heures à essayer de joindre des autorités qui négligent leur devoir de sauvetage des bateaux en détresse. Nous sommes fatigués, mais nous n'abandonnerons pas. Résumé des incidents. 6 naufrages et près de 200 morts au large de la Libye en septembre. En quelques jours, des centaines de personnes sont mortes en Méditerranée centrale et une fois de plus, les autorités européennes gardent le silence. Ceux qui ont survécu ne sont en vie que grâce aux efforts des pêcheurs. Comme en août, la plupart des naufrages survenus en septembre n'ont été reconnus par aucune autorité. À l'exception de quelques-unes, nous avons entendu parler de ces morts tragiques en mer que parce que des survivants traumatisés ou de courageux pêcheurs ont tendu la main à Alarafoune pour faire entendre leur voix. Premier naufrage. 22 personnes sont mortes et 45 survivants ont été détenus. L'OIM a rapporté que le 14 septembre, un bateau a été sauvé par les soi-disant gardes-côtes libyennes. Ils sont arrivés trop tard pour les 22 personnes qui sont mortes après le chavirement du bateau. Les 45 survivants ont été emprisonnés dans le centre de détention Zawiya. Deuxième naufrage, au moins 20 personnes craignant de s'être noyées. Le 17 septembre, un bateau en caoutchouc blanc a chaviré au large de Zawiya. Il y avait environ 75 personnes à bord. Un survivant nous a dit qu'au moins 20 personnes avaient disparu et avaient probablement perdu la vie, dont plusieurs femmes et enfants. Troisième naufrage. 3 personnes sont mortes au large de Garabuli. Le 19 septembre, un pêcheur a trouvé un bateau en train de se dégonfler avec 54 personnes à bord. Il n'a pu sauver que 21 personnes et a dû laisser 33 personnes derrière lui. Un autre pêcheur a plus tard sauvé 30 personnes, mais il était trop tard pour 3 personnes qui s'étaient déjà noyées. Quatrième naufrage. Le 19 septembre, un pêcheur a sauvé 102 personnes au large de Zuara, alors que le pêcheur a sauvé tous les naufragés, 2 d'entre eux sont mortes, après avoir atteint le port de Zuara, alors qu'ils tentent d'échapper à l'arrestation et à l'emprisonnement. Cinquième naufrage. 111 personnes disparues, dont on craint la mort. Le naufrage le plus meurtrier signalé en 2020 a eu lieu le 21 septembre. Plus de 110 personnes ont perdu la vie après l'éclatement et le dégonflement d'un tube. Seules 9 personnes ont survécu en s'accrochant à une planche et ont été secourues par un pêcheur après de nombreux jours en mer. Un naufrage en cours. Le 22 septembre, un bateau en détresse avec 86 personnes a alerté l'alarme faune. Il a fallu environ 12 heures pour que les soi-disant gardes-côtes libyennes interviennent. Les gens disent que 4 personnes sont tombées à l'eau, mais on ne sait pas si elles ont disparu ou si elles sont retournées au bateau. Autre naufrage en cours. 15 personnes se sont noyées au large de Al-Koms. Environ 105 personnes en détresse ont appelé à la renfaune le 24 septembre. Le navire Cap Guinée les a abrités pendant environ 12 heures, mais n'a pas porté secours. Seabird a surveillé son interception par les soi-disant gardes-côtes libyennes, mais 15 personnes s'étaient noyées. Sixième naufrage. 16 personnes sont mortes au large d'Al-Koms le 25 septembre. L'OIM a rapporté qu'un pêcheur avait sauvé un bateau en détresse au large de Koms. Le pêcheur a sauvé 22 des 38 personnes en détresse. Les restes de 3 personnes ont été récupérés, tandis que 13 personnes sont portées disparues. Ce

Alors, demain, le jeudi 8 octobre, à partir de 19h30, à la maison communale de Saint-Gilles, place Van Menen, il y aura un rassemblement contre les violences policières d'UNEUS à Saint-Gilles. Stop aux violences policières de la brigade INEUS. Donc, c'est une interpellation communale pour dénoncer les abus de la police de Saint-Gilles. Rassemblons-nous pour exiger la fin des violences policières. Les crises sanitaires et sociales de cette année s'accompagnent d'une crise démocratique tout aussi alarmante. En Belgique, les cafouillages se multiplient à tous les niveaux de pouvoir, faisant régner l'arbitraire sur le terrain répressif. Partout, les abus policiers se sont multipliés depuis mars et Saint-Gilles n'est pas épargné par le phénomène. Sa brigade de police, UNEUS, se sent trop souvent au-dessus des lois. Deux récents événements parvenus à notre connaissance sont venus confirmer la gravité de la situation et l'urgence d'y répondre. Le lundi 3 août, d'abord, place Morichard, où la police de Saint-Gilles, brigade UNEUS, contrôle quelques jeunes bruyants. Pendant le contrôle des cartes d'identité, un jeune est jeté à terre, embarqué, amené au commissariat et enfermé durant une heure. Délit, il ne portait pas sa carte d'identité sur lui. Le samedi 15 août, trois femmes ont été harcelées par un homme sur le parvis. Le bilan de l'intervention du Neus est lourd. Lésions au cou, contusions à l'épaule et poignets cassés du côté des jeunes filles. Deux témoins tentant de filmer la scène ont également été inquiétés. Le premier s'est vu saisir et jeter son téléphone au sol. Le second a été poursuivi jusque chez lui puis ramené au commissariat où un policier lui a écrasé les parties génitales pour le forcer à supprimer la vidéo. Il n'a été libéré qu'au matin. Des propos sexistes ont également été tenus par les agents présents. Les violences physiques et verbales perpétrées par les agents impliqués ce soir-là sont injustifiables. Le droit de filmer la police, réaffirmé par la motion de la commune de Saint-Gilles en juin, a été totalement bafoué. L'impunité dont bénéficient les policiers laisse la porte grande ouverte aux abus. UNEUS et sa brigade ont le statut de projet pilote voué à être étendu dans un second temps à l'ensemble de la région bruxelloise. Il est crucial de régler ces dysfonctionnements avant d'espérer l'imposer à d'autres populations. Nous lutterons en ce sens tant qu'il le faudra. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rassemblement. Il y a eu déjà un rassemblement le 25 juin. Et puis le 22 août, et il y a un autre rassemblement donc, qui aura lieu ce jeudi 8 octobre à 19h30. Venez nombreux. Alors, le 8 octobre également, il y aura au Cinéma Aventure une projection d'un film qui s'appelle, c'est le cinéma d'attaque qui présente en avant-première Le Monde selon Amazon de Adrien Pinon et Thomas Lafarge. Alors, la projection s'appelle « Le Mont Solo Amazon ». Vendre tout, tout de suite, partout. Donc, la pandémie foudroyante et les mesures de confinement que la crise sanitaire a entraînées, les GAFA qui dominent l'économie digitale en ont largement profité. À eux seuls, Google, Apple, Facebook et Amazon sont parvenus à cumuler des résultats financiers comme jamais auparavant. Mais les plus spectaculaires sont à mettre à l'actif d'Amazon, le géant de l'e-commerce. En effet, le groupe de Jeff Bezos a affiché des ventes records de 88,91 milliards de dollars sur la deuxième trimestre de cette année, soit une progression de 40%, du jamais vu. Alors que les magasins étaient obligés de fermer et que de très nombreux travailleurs se retrouvaient sans emploi, Amazon a engagé dans le même temps 175 000 personnes à partir de mars pour faire face au surcroît d'activité dans ses entrepôts. Mais dans quelles conditions ? Voilà, donc c'est sur ce sujet-là que, si ça vous intéresse, vous pouvez aller au Cinéma Aventure, 57 rue des Fripiers, à Bruxelles-Ville, c'est à partir de 20h. Alors, il y a également un procès en appel contre des anarchistes à Bruxelles, qui est important. Donc de 2008 à 2014, l'État belge a mené une vaste enquête visant les luttes multiformes, mais toujours sans concession, qui s'attaquaient aux centres fermés, aux frontières, aux prisons et à ce monde basé sur l'autorité et l'exploitation. Dans son collimateur, la bibliothèque anarchiste Akrata, des publications anarchistes et anti-autoritaires, Hors Service, La Cavale et Tout Doit Partir, des dizaines de tracts et affiches, une bande centaine d'actions. Initialement d'actions, d'attaques et de sabotage. Bref, la lutte contre le pouvoir sous ses différentes expressions. Initialement poursuivi pour participation à un groupe terroriste, c'est finalement sous l'inculpation d'associations de malfaiteurs que 12 compagnons ont été jugés au printemps 2019. Le tribunal avait alors prononcé l'irrecevabilité des poursuites, rendant toute condamnation impossible, mais le procureur a décidé de faire appel et le nouveau procès aura lieu, donc c'est demain, 8 octobre, et vendredi 9 octobre prochain. Pour les personnes qui voudraient se tenir au courant, démontrer leur solidarité, être là d'une manière ou d'une autre, un point info sera organisé les deux jours du procès à 20h à la bibliothèque Akrata. Pour un monde sans exploitation ni frontières, contre toute autorité, persiste et signe. Alors, la bibliothèque Akrata se trouve rue de la Grande-Île 32 à 1000 Bruxelles. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos sur les luttes attaquées par l'État, vous avez un site qui s'appelle lalim.noblogs.org, procès contre des anarchistes en Belgique. Et sur le procès en général, il y a lalim.noblogs.org, fil/2016-03/à-propos-du-procès-Belgique. Voilà, donc c'est important, il y a un rassemblement, je pense, devant le palais de justice, je ne sais pas. Okay. En tout cas, c'est important, voilà, vous pouvez aller à la bibliothèque Akrata, leur demander s'ils font un rassemblement devant le palais de justice ces deux jours-là, mais je ne sais pas. Donc ça, il faut vous renseigner directement auprès de la bibliothèque. Alors, donc nous avons également le dimanche 11 octobre une ouverture lieu, c'est Nast Monique, à côté de chez Monique, au 230 quai de l'Industrie à Anderlecht. Alors c'est une bibliothèque queer féministe autogérée, ça s'appelle La Foudre. Et La Foudre vous invite à son ouverture ce dimanche 11 octobre de 15h à 20h, au programme Jam littéraire, ramène un texte, poésie que tu as envie de partager, lecture et écoute collective. Et à partir de cette date, les permanences seront les mercredis de 17h à 20h et les dimanches de 15h à 20h. Donc La Foudre est née de l'envie de rendre accessible tout un tas d'ouvrages gratuitement, d'avoir un espace pour discuter de lecture et ou se reposer avec un bouquin dans un espace agréable, se rencontrer au calme. L'idée est qu'il n'y a aucun livre écrit par des hommes blancs, cisgenres, hétéros, qui sont déjà surreprésentés dans le paysage culturel mainstream, ainsi que dans certains espaces underground. Nous voulons ainsi aussi donner de la visibilité à d'autres auteurs eux, féminins. On y retrouve des livres allant de romans aux essais politiques, en passant par de la poésie, par des autobiographies, des livres historiques, des récits de vie, de la science-fiction, mais également des BD, des romans graphiques, des magazines, des fanzines, des encyclopédies, etc. Les thèmes présents sont très variés, tournant principalement autour des féministes, des questions queer, LGBTI, de l'antiracisme, le décolonialisme, des thématiques autour des corps et des sexualités, de lutte contre les prisons et le capitalisme, des contre-normes, de l'émancipation. La bibliothèque est basée au premier étage de Nast Monique, un lieu queer autogéré à Kurgem, le long du canal. Alors, si ça vous intéresse, c'est possible de nous rejoindre donc, et de se rencontrer à une permanence ou d'envoyer un mail. L'adresse mail, c'est la-foudre@riseup.net. Et l'accès à La Foudre est mixte, mais l'équipe est mixte, en mixité choisie, sans hommes cis hétéros. Alors donc, voilà. Donc, il y a plein de lectures. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. C'est à Anderlecht. Voilà. Alors, ensuite, on va vous parler du 17 octobre, il y aura un rassemblement, Notre liberté au sein et au-delà des frontières européennes. 17 octobre, c'est la journée transnationale de lutte des migrants et des migrantes. Donc le 17 octobre, alors que des centaines de milliers de migrants et des personnes sans papiers arriveront à Paris pour manifester depuis toute la France, des organisations de migrants de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Slovénie, de Macédoine, de Grèce, de Turquie, du Maroc, du Liban, etc., organiseront des manifestations, marches et actions pour exiger la régularisation de toutes les personnes sans papier. Nous, la coordination des sans-papiers de Belgique, appelons tous les collectifs, associations et syndicats à nous rejoindre au rassemblement le samedi 17 octobre à 14h à la place du Luxembourg, à 1050 Bruxelles. La coordination des sans-papiers de Belgique, que ceci est signé, il y a un site Facebook, il y a une page web, c'est sans-papiers.be, rassemblement-l'Europe se mobilise pour la régulation des sans-papiers. Alors, il y a un départ groupé à Mons et à Louvain-la-Neuve. Vous pouvez regarder, tout c'est sur les pages Facebook de la coordination. Ou bien vous pouvez regarder sur Indie Media, effectivement, parce que tout est mis sur Indie Media Bruxelles. Donc c'est le 17 octobre à partir de... Ah oui, à partir de 14h à la place du Luxembourg, à 1050 Bruxelles. Ok, on espère qu'il fera beau, surtout. Pour cette fois-ci, voilà. Et bon, ben voilà. Et alors, je vais vous lire quand même parce qu'il y a eu, on nous a envoyé un papier sur des agressions qui ont eu lieu à l'université de Louvain-la-Neuve. Donc, mardi 22 septembre, une agression sexuelle a eu lieu sur le campus de Louvain-la-Neuve, une de plus, mais surtout une de trop. D'habitude noyée dans la masse, celle-ci aurait pu tomber dans l'oubli si elle n'avait pas été partagée dans les réseaux étudiants et s'il n'y avait pas eu autant d'étudiantes qui s'étaient reconnues dans cette agression de fin de soirée. C'est une situation que nous ne tolérons plus. Nous voulons un changement et maintenant. Nous ne sommes pas les seuls qui en ont assez. Plus de 1500 étudiantes, en moins de 24 heures, ont rejoint un groupe Facebook avec comme objectif de ne plus devoir rentrer seules le soir de peur de se faire agresser. Il n'est pas seulement question d'un sentiment d'insécurité infondé, diffusée dans la population et d'étudiantes au détour des conversations, mais d'une réalité très, très concrète. Une étude de l'Université de Liège de l'année passée indique des chiffres révoltants. 6% des étudiantes ont subi un viol. Plus d'une étudiante sur 5 aurait été confrontée à une tentative de viol au cours de ses études, ou encore que plus de la moitié ont déjà subi une agression sexuelle. Ces chiffres sont insupportables. Il montre que sur nos campus, comme dans le reste de la société, le sexisme continue d'abîmer des vies humaines tous les jours. En plus des taxes roses, des attaques au droit à disposer de notre corps et de l'écart salarial, nous devons subir agressions sexuelles, violences conjugales et pire encore. Pour nous, les peines se multiplient sous diverses formes, mais s'enracinent toutes dans le patriarcat. La réalité est donc là, devant nous, et elle est indéniable. Nous sommes face à un problème de société. Nous appelons la commune de l'UCL Louvain-la-Neuve et les hautes écoles à prendre leurs responsabilités et à agir pour que l'égalité entre tous soit effective. Il y a 2 ans, nous étions déjà dans les rues de Louvain-la-Neuve pour que l'UCL Louvain mette en place un dispositif de soutien en cas d'agression sexuelle et une campagne contre le harcèlement sexuel, et elle l'a fait. Mais manifestement, le problème est toujours là. Les mesures entreprises sont lentes, insuffisantes, voire inefficaces. Et l'ampleur et l'urgence du sexisme doivent être adressées. C'est pourquoi nous participerons avec d'autres collectifs à un rassemblement. Malheureusement, ce rassemblement a eu lieu aujourd'hui à 13h, place de l'université, en soutien aux personnes victimes d'agressions et en revendiquant pas une de plus. Nous espérons que l'université, les hautes écoles et les communes et la commune voudront nous entendre pour qu'ensemble, avec tout le tissu associatif de Louvain-la-Neuve, nous entamions un dialogue autour de solutions positives, concrètes et efficaces, afin qu'il n'y ait pas une agression de plus sur nos campus. Voilà, c'était une carte blanche qui était de la Safe Place de Comac à Louvain-la-Neuve. Donc, effectivement, ce rassemblement a eu lieu aujourd'hui, mercredi à 13h. Alors, c'est un petit peu tard pour en parler, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'est inadmissible encore en 2020, ce genre de situation. Alors, j'espère que ça y est, ça va s'arranger. Voilà. Bonsoir. À la prochaine. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transgenre. De Transgenre.